Radio Cayenne, tout le monde écoute Radio Cayenne, tout le monde écoute Radio Cayenne, tout le monde écoute Radio Cayenne. Hey ! On a un petit montage de son de manif à Nantes samedi dernier, donc samedi 12 janvier. Un petit montage, alors c'est pas des sons qu'on a fait, sauf le premier, l'hélico, mais le reste c'est pas nous, c'est des sons qu'on a retrouvés dans certaines des vidéos qui ont été publiées suite à la manif. On vous laisse écouter et puis après ces sons on va réagir. Non, juste avant le son quand même, moi je peux pas résister à vous passer pour celles et ceux qui l'ont pas entendu, Luc Ferry. Quand même, Luc Ferry, qui est un soi-disant philosophe, qui a été prof, qui a été surtout ministre de l'éducation. Ouais. Tout à fait, de l'éducation nationale. Donc on va passer ce petit son de ce connard de Luc Ferry qui appelle à tirer sur les manifestants. Et après, on vous passe le petit son de la manif. Mais à part ça, évidemment qu'on est tous contre les violences, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences. Enfin, c'est insupportable. Mais parce qu'il y a un risque. Non, le risque que vous connaissez. Mais alors, écoutez, franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin... Voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois. Écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. Quartier, il y a peu. Voilà. Quartier, il y a très peu. Il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup. C'est moins aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup. Donc voilà, Luc Ferry, c'est un appel au meurtre. Hein, je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement. Et moi, j'avais envie de le mettre en parallèle du coup avec des sons de manif. Alors petit. Je sais pas comment on dit warning, trigger warning. Ouais, trigger warning. Ouais. Et moi j'avais une proposition, c'est un peu la mode des cagnottes en ce moment. Je propose qu'on lance une cagnotte pour que Jules Ferry ferme sa gueule à tout jamais. Ouais, dépenser de la thune. Ouais, mais j'ai pas dit que c'était nous qui allons dépenser de la thune, mais les gens qui ont envie. Alors que du sparadrap ça coûte pas très cher quand même. Parce qu'à côté de ça, Marlène Schiappa, elle a eu le droit à sa petite cagnotte pour qu'elle ferme sa gueule en fait. Et je pense que si elle avait été un homme. Elle n'en aurait pas eu de cagnotte, en fait. Oui, c'est clair. Mais ça l'empêche pas de raconter des conneries. Voilà, et elle pourrait fermer sa gueule, quand même. Donc, Luc Ferry, ferme ta gueule aussi. Donc, moi, j'avais envie de mettre cet appel de Luc Ferry. C'est pas le seul. Hein. Ça fait quand même un petit moment que certains politicards ou keufs font des appels, sinon au meurtre, au presque meurtre. Presque meurtre, ça veut dire ça veut dire aussi que les armes qui sont utilisées là par la police, elles peuvent tuer, mais qu'ils appellent ça des armes semi-létales. Et du coup, ce petit montage de manif, c'est un montage qui est fait essentiellement de bruit d'armes de la police. Donc si je disais trigger warning, c'était une façon de dire que les gens fatigués des bruits d'explosions, de grenades, de LBD et autres joyeusetés de la police, vous pouvez pendant 2 minutes 40 aller faire autre chose ou baisser le son et venir nous rejoindre une fois que c'est fini. Donc voilà, son d'ambiance de la manif de samedi à Nantes. Thank you. Vous êtes calme-toi. T'as une grenade dans la main, tu te calmes. Vous reculez. On recule, ok. On recule. Ok. Donc voilà un petit condensé de sons de manif. Donc c'est pas les seules choses qui se sont passées dans la manif. Et l'idée de ce son, c'est certainement pas de faire peur, hein, et enfin d'attiser la peur en tout cas, puisque c'est eux ce qu'ils essayent de faire, notamment avec leurs armes qui font plein de bruit. Voilà, mais c'était quand même de montrer l'éventail des armes, en tout cas d'entendre l'éventail des armes qui avaient été utilisées. Je sais pas si vous avez joué à ça chez vous, mais nous en studio, du coup, on s'est amusé à se dire ce qu'on entendait. Donc il y a eu des tirs de LBD qui ont été reconnus, des tirs de Gli F4, donc de grenades assourdissantes, ces grenades qui contiennent de la TNT et qui font un effet de blast et un son qui atteint 160 décibels au plus près. Plus qu'un avion au décollage, nous dit-on en studio. Du coup, voilà, l'idée, ce n'est pas d'avoir peur, c'était un peu de voir. Donc, dans les armes qui ont été utilisées samedi en manif, donc il y a les lacrymogènes, les lacrymos sous forme de pchit, là, de bombes à aérosol, hein, mais aussi de grenades à main, de grenades jetées avec les lanceurs de grenades, dont un des plus connus est le lanceur Cougar. Donc ces grenades, elles peuvent être lancées à 30, 50, 100 et 200 mètres. Il y a eu aussi ce qu'on appelle des flashballs, mais plutôt ce sont des lanceurs de balles de défense, donc qui jettent des balles de caoutchouc qui font 40 mm. En caoutchouc assez dur, du coup, qui blesse des gens, comme on a pu voir ces derniers temps. Pas mal de gens ont été mutilés avec ça. Il y a eu beaucoup de grenades de désencerclement qui projettent des plots en caoutchouc, mais en caoutchouc qui fait très très mal. Voilà. Et il y a eu aussi des grenades, donc des Gli F4, dont on a déjà parlé aujourd'hui pendant l'émission, donc qui sont et dont on parlait tout de suite. Qui sont des grenades qui contiennent de la TNT, donc un explosif, et qui font un bruit à la fois le bruit et l'effet de souffle a un effet incapacitant. Sans compter les nombreux coups de matraque et autres projectiles divers et variés que les flics trouvent par terre pour aussi jeter sur la gueule des manifestants, sûrement j'en oublie. Voilà, l'idée c'est pas d'avoir peur et de s'empêcher d'aller en manif, mais c'est de dénoncer l'usage de ces armes. Dans les trucs un peu qu'on peut retenir des sons, peut-être on peut le réécouter après que j'ai parlé pour le réécouter avec ces trucs en tête. Il y a plusieurs fois, il y a au moins deux fois dans le son où on entend six fois d'affilée en fait des petites détonations. Ça, c'est une arme qui s'appelle le Penarms. Enfin, je crois que Penarms, c'est le fabricant. Elle a un autre nom, mais on l'appelle le Penarms communément. C'est le lanceur de lacrymo qui peut aussi lancer des balles de défense. Donc, en tout cas, ces armes, elles sont capables de. Donc, elles sont soi-disant semi-automatiques, mais en fait, quand on entend le bruit que ça fait et quand on entend les coups aussi rapprochés, ça ressemble plutôt à une arme automatique qu'une arme semi-automatique, mais bref, elles peuvent lancer 6 cartouches de lacrymo ou 6 balles de défense en quelques secondes. Ça a été utilisé massivement. Samedi, les flics, avec cette arme, ils ont pu faire des murs, en fait, de lacrymo. Mais des murs pour les Nantais, les Nantaises. Par exemple, Place Bouffet, qui était un mur qui était capable d'aller de... vous voyez, juste à l'angle, avant d'arriver sur la Place Bouffet, quand on arrive du cours des 50 otages, de commerce, ça allait du premier bâtiment jusqu'au deuxième bâtiment avec la ligne de voie de tram au milieu, l'espace vert au milieu et avec ça ils font des gros murs de lacrymo qui sont quand même un peu bourrins et qui sont... En tout cas, il va falloir réfléchir à s'adapter, nous aussi, à ce dispositif. Et comme si ce n'était pas suffisant, depuis ces quelques dernières manifs, assez systématiquement, une fois qu'ils ont fait le mur de lacrymo, bah, ils jettent de la grenade, quoi. Et du coup, de la grenade de désencerclement et de la grenade de la Gli F4 dont on vient de parler. Donc voilà, ça, on entend dans le son, en fait, on entend les petits clap, clap, clap, clap, des lacrymos qui tombent au sol, et du coup, qui font un bruit moins. C'est les capuchons des lacrymos qui tombent par terre, et après, on entend d'autres explosions, c'est ça qu'on entend dans le son. Mais on va le réécouter. Dans des autres choses qu'on peut remarquer dans ce son, tout à la fin, en fait, c'est un flic de la BAC qui s'appelle Laurent Échard. Laurent, si tu nous écoutes, personne te félicite. Laurent Échard, c'est le chef de la brigade, enfin c'est un des chefs de la brigade anticriminalité à Nantes, et on l'entend très clairement dire à un groupe qui est en train de s'approcher d'une interpellation, dont la plupart des gens sont plutôt calmes, d'autres gueulent en fait, mais enfin bon... quand la BAC interpelle quelqu'un, la moindre des choses, c'est à minima de gueuler. Quand on n'arrive pas ou quand on se sent pas de désarrêter la personne. Et ce flic, en fait, de la BAC, quand des gens s'approchent pour regarder, pour filmer ce qui se passe, il se met à gueuler, reculer de 50 mètres où je dégoupille. Et ce qu'on n'entend pas, enfin, ce qu'on peut pas voir dans le son, c'est que, à la main, ce keuf, en fait, quand il gueule, il a une grenade de désencerclement. Il est en train de menacer les gens qui se sont approchés, qui ne représentent absolument aucun danger pour lui et ses collègues, de les attaquer, en fait, avec une grenade de désencerclement. Je propose qu'on réécoute le son et qu'après le son, vous allez entendre le préfet qui condamne les violences à Nantes, dont on ne sait pas s'il condamne les violences des manifestants, manifestantes, ou les violences de la police, enfin, dont on ne sait pas. On sait bien qu'il condamne les violences des manifestants, manifestantes, mais quand on entend son discours, en fait, moi, les violences auxquelles j'ai assisté, en tout cas, ce que j'appelle des violences, c'est ce que j'ai vu de la part de la police, notamment un nombre de grenades Gli F4 lancées, que pour l'instant, pour ma part, j'avais pas encore vu ça à Nantes, peut-être d'autres gens l'ont déjà vu, en tout cas j'ai pas entendu dans des laps de temps si rapprochés autant de grenades de balancer sur la gueule des gens. Du coup, quand je parle de violence, j'aurais plutôt envie de parler de cette violence là bon, Claude Darcourt, notre nouveau préfet de Loire-Atlantique, lui ose parler de la violence des manifestants. Qu'on vous met à suivre le petit montage des armes en manif et le Claude Darcourt. Vous êtes vous êtes vous êtes pas calme-toi, calme-toi. T'as une grenade dans la main, tu te calmes. Vous reculez. On recule, ok. On recule. Je dis à ceux qui ne voient les choses que de manière violente, qu'ils sont identifiés, qu'ils sont connus, qu'il y aura des poursuites judiciaires et qu'il n'est pas forcément pertinent de leur part de continuer à agir de cette manière. La justice passera, elle passera certainement durement. Je pense que maintenant il est temps qu'ils arrêtent. Bah les gens, nous aussi, hein, on les a identifiés, ces keufs qui nous tirent dessus. On n'a pas tous les noms, mais il y a bien quelques noms en tête. Je redis, hein, ce keuf qui gueule sur des gens reculés de 50 mètres où je dégoupille avec sa grenade de désencerclement, il s'appelle Laurent Échard. Donc c'est le chef de cette unité de BAC qui a elle aussi commis des violences pendant la manifestation. Je dis elle aussi, je dis pas ça pour les manifestants, je dis elle aussi en rapport avec ce qu'ont fait les autres flics pendant cette manif. Quel drôle d'idée que d'être policier. Arriviste et planqué, l'appel farce bien policé. Tu mènes l'enquête, t'as le doigt sur la gâchette. Tu manges tel un porc, des donuts dans des parquettes. Tu cannes les gens, tu kiffes flingues entre les beaux gens. Trop de métèques dans la street, tu te dis que c'est rageant. Monsieur l'agent, AK. Tu fais partie d'une farce macabre. Salam, shalom, salut, sale fucking porc. Pas de la classe ouvrière à qui tu causes du tort. Je rêve de te voir saigner, patate d'un ultra. Vérité, justice sur ta tête, y'a un contrat. Le plus souvent content, c'est du 6 contre 1. La force du nombre, ça, c'est ta putain de contrainte. Tu connais le code, 1-3-1-2 sur le iPod. De Rosé ne sera jamais passé de mode. On répétera jamais assez pour tous les disparus, les victimes, les corps entassés. Akab. On n'est pas venu pour un sassé, pour la justice, la vérité, on s'est déplacé. Akab. On en arrive au point de tout casser. Votre corporation de flics, on vient d'écraser. Akab. Quand les mythes ne sont pas respectés, c'est la dignité qui vient vous cadenasser. Taper, humilier, torturer en scred. Kiff de frustrer, étouffé comme les Halèdes. De Ferguson à Paris, de Clermont à Colmar. On applaudit quand un gamin te traite de connard. Et tu chies dans la colle en disant que c'est insultant. Comme si c'était pire que la mort d'un innocent. Mais voyons, voyou, de qui se moque-t-on? Celui qui tire, c'est pas le mec attaché au peloton. Permis de tuer, pseudo, légitime défense. Corporation de tueurs adeptes de la violence. Et faut les entendre, les Charlie, les CRS. Jusqu'au jour où leur gosse se mange une matraque dans les fesses. Famille en détresse, totale impunité. Justice complice qui se fout de la vérité. Soutien sincère, collectif en résistance. Embrasse le gun d'un cup si tu veux connaître la France. Akab. On répétera jamais assez pour tous les disparus, les victimes, les corps entassés. Akab. On n'est pas venu pour ressasser. Pour la justice, la vérité, on s'est déplacé. Akab. On en arrive au point de tout casser. Votre corporation de flics, on vient d'écraser. Akab. Quand les mythes ne sont pas respectés, c'est la dignité qui vient vous cadenasser. Akab. Je te rappelle juste, j'aime pas le flic. Fuck the police. Akab. Tu n'es qu'à parler. Héritier de la double peine et de bien pire. Du mythe des luttes de terrain, demande à Samir. Et nique sa mère, le maire, tu sais ce qu'on dit. Liberté pour Anto, se contente pas d'une condie. Pas des accidents, de la violence industrielle. Ne parlez plus de bavure mais d'actes criminels. C'est pas récent, c'est pas un effet de mode. C'est dans les quartiers populaires que les uniformes se rôdent. C'est plus ancien que 2005, ma gueule. Pas besoin de Twitter pour pleurer sur des cercueils. Quand la dignité s'exprime, je m'appelle Adama. La force d'une lionne a mal à ça ou Ramata. Ah. car on répétera jamais assez pour tous les disparus, les victimes, les corps entassés. Ah car on n'est pas venu pour ressasser, pour la justice, la vérité, on s'est déplacé. Ah car on en arrive au point de tout casser, votre corporation de flics on vient d'écraser. Ah car quand les mythes ne sont pas respectés, c'est la dignité qui vient vous cadenasser. Ah car je te rappelle juste, j'aime pas les flics. Fuck the police. AK, tu connais le code 1-3-1-2. AK, tu connais le code 1-3-1-2. AK, tu connais le code 1-3-1-2. AK, tu connais le code 1-3-1-2.